Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez l'actualité d'octobre de Léviathan sur la situation politique du Pérou. Avez-vous entendu parler du Pérou ce mois-ci ou fin de mois de septembre ? Alors oui, il me semble avoir vu passer des infos, mais elles sont parties des unes des journaux aussi vite qu'elles étaient arrivées. Mais la situation politique du pays est assez délicate. Exactement, comme toi, j'ai vu plein de breaking news le 30 septembre sur le Pérou et ensuite silence radio. Donc je me suis demandé ce qui s'était passé, sachant que le jour même où ça s'est passé, j'ai pas eu le temps de me pencher dessus et c'est la raison pour laquelle je vais vous en parler aujourd'hui. Alors j'imagine que comme nous, ce que vous ayez vu ou entendu parler avait un rapport avec le fait que le président ait dissous l'Assemblée, ce qui lui a valu d'être suspendu par des législateurs de l'opposition pendant 12 mois. Ou du moins, c'est ce qu'ils avaient prévu. Bon, comme d'habitude, remettons les choses dans leur contexte, parce que sinon j'ai beau vous parler des événements actuels, ça n'aura aucun sens si jamais on ne connaît pas un minimum la situation du pays. Sauf que, comme d'habitude, c'est difficile de résumer l'histoire d'un pays, notamment l'histoire politique, en si peu de temps, donc je vais faire de mon mieux. Pour ce faire, je vais commencer par ce que les Péruviens appellent l'auto-coup d'État qui a eu lieu en 1992. Un auto-coup d'État, c'est un concept plutôt intéressant. Qu'est-ce que c'est ? Oui, en effet, j'en avais jamais entendu parler. Mais ça s'appelle un auto-coup parce que c'est Alberto Fujimori, qui était alors président, qui l'a fait en annonçant le 5 avril qu'il dissolvait l'Assemblée et qu'il allait réorganiser la branche judiciaire. Donc c'était plutôt inquiétant. Il a également envoyé la police chez ses plus grands opposants politiques le même soir. Et il a par la suite suspendu une partie de la Constitution, notamment à travers un état d'urgence et des couvre-feux. La raison pour laquelle il a fait tout ça, c'est parce que l'Assemblée était détenue majoritairement par son opposition et toute initiative législative était bloquée. Je ne suis pas en train de l'excuser, juste en train d'expliquer ses raisons. Bref, l'année suivante, ses supporters ont été majoritaires à l'Assemblée, après des élections. Un de ses grands partis d'opposition était dissous, et le leader de l'autre était exilé. Avec un référendum, une nouvelle constitution était en place, sachant que cela s'est voté à moins de 5% de marge majoritaire. Alberto Fujimori est resté président du Pérou jusqu'en 2000, ce qui était son troisième mandat. Il a pu faire un troisième mandat, même s'ils étaient limités à deux mandats, grâce à ses supporters à l'Assemblée et à son soutien par le peuple. Mais il n'est pas resté jusqu'au bout de celui-ci, parce qu'il s'est enfui, au Japon, à cause de scandales de corruption et de non-respect de droits humains. Je ne vais pas vraiment rentrer dans des détails, mais en gros, c'était en rapport avec des stérilisations en masse de populations rurales pauvres. Oh. Donc, super. Bref, plus tard, il a été condamné pour crime contre l'humanité pour avoir fait tuer 25 personnes, des journalistes et personnes d'affaires. Oui, une personnalité encore très charmante. Et du coup, depuis 2000, qu'est-ce qui s'est passé au Pérou ? Il semblerait que globalement, le Pérou ait vécu une période de paix après les années 2000, avec Alberto Fujimori parti et d'autres problèmes internes au pays, tels que la présence d'un groupe armé, ayant été résolus. L'économie se portait bien et comparé à certains voisins, c'est un pays qui s'en sortait plutôt bien de façon générale. Sauf que, en 2016, un énorme scandale de corruption a émergé dans le pays. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la compagnie brésilienne Odebrecht, mais pour faire simple, c'était les principaux constructeurs des infrastructures de façon générale au Pérou. Et il s'avère que la compagnie a soudoyé des officiels partout en Amérique latine, et donc y inclus au Pérou, dont notamment des présidents, mais pas que. Ce scandale a marqué une première fracture dans la politique péruvienne. Une autre est survenue lorsque de nouveaux scandales ont émergé, cette fois entre la famille Fujimori et Pablo Kuczynski, je le prononce sûrement très mal, qui était le dernier président élu au Pérou. Que s'est-il passé ? La fille d'Alberto Fujimori, appelée Keiko Fujimori, a voulu bâtir sur l'héritage de son père en créant un parti qui serait plutôt populiste. C'est donc l'histoire qui se répète. Oui, à première vue, ça rappelle clairement des situations plus proches de nous que nous connaissons. Et du coup, ce qui s'est passé avec Pablo Kuczynski, c'est qu'il a annoncé qu'il contrôlait une entreprise et en fait des affaires avec Odebrecht. Ce qui a poussé Keiko Fujimori et son parti à le menacer de destitution, le conduisant donc à pardonner Papa Fujimori. Voilà. Bon. Les gens n'ont pas trouvé ça très drôle et en fait, la Cour suprême n'a pas laissé ça passer et l'a renvoyé en prison. Un peu difficile de se faire pardonner pour des crimes contre l'humanité. Bref. Après ça, ce même président a eu d'autres scandales, notamment en essayant de soudoyer des membres de l'opposition afin d'avoir leur soutien législatif. Donc voilà, avec tous ces scandales, il a fini par décider de démissionner pour des raisons plutôt évidentes. Oui, la corruption, malheureusement, c'est un fléau assez récurrent en Amérique latine, on a pu le voir au cours de cette année. Et donc, c'est sa démission qui a déclenché la crise actuelle ? Plus ou moins. Avec sa démission, c'est son vice-président, Martin Vizcarra, qui est devenu président. Il a voulu se lancer dans une grande lutte d'anticorruption, ce qui ne passait pas très bien avec le Partido Popular, ce qui est le parti de Madame Keiko Fujimori, et qui est sa principale adversaire, mais qui est aussi en prison pour des questions de corruption. Oui, ça commence à devenir confus, j'en suis bien d'accord. Ce n'était pas l'actualité du mois la plus simple à préparer. En fait, son parti, à Keiko Fujimori, bloquait également toutes les réformes qu'il essayait de mettre en place, et donc pendant tout ce temps, il a menacé de dissoudre le Congrès. Ce qu'il a donc enfin fait le 30 septembre, quand vous avez vu tous ces breaking news. D'accord, donc enfin on en arrive là. Alors, je me demande quand même quelle est la taille des prisons au Pérou si tous leurs hommes politiques y sont. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis le 30 septembre ? Parce qu'on n'a plus de nouvelles en fait sur les médias traditionnels français. Alors, l'opposition a directement considéré ça comme inconstitutionnel et ils ont déclaré que ce serait Mercedes Araoz, qui est la vice-présidente, qui serait présidente par intérim, en essayant donc de destituer Vizcarra. Sauf que la vice-présidente a démissionné après avoir vu que les forces de l'ordre soutenaient le président Vizcarra. Et à savoir que l'objectif de ce président est qu'il y ait de nouvelles élections afin que la majorité change peut-être dans l'Assemblée et qu'il n'y ait plus tous ces blocages par rapport à toutes ces initiatives législatives. Il semblerait d'ailleurs que son taux d'approbation par la population soit passé de 52% à 82%, ce qui est assez incroyable. Ça rappelle aussi ce qui s'était passé il y a quelques années avec Alberto Fujimori. En 1992, donc, et on sait comment les choses ont évolué après ça. Mais c'est intéressant à noter ce soutien de la population, et c'est possible que ce soit dû à un ras-le-bol général des affaires de corruption les unes après les autres, et de la position très anticorruption qu'adopte le président Vizcarra. Parce qu'après tout, selon un sondage réalisé en 2018, le taux d'approbation des législateurs péruviens n'était qu'à 8% par leur population. C'est assez fou. En réalité, des milliers de personnes sont sorties dans les rues le 30 septembre afin de fêter la dissolution du Congrès. Alors le 3 octobre, il a créé un nouveau gouvernement avec des nouveaux ministres et des élections législatives sont prévues pour janvier 2020. En attendant que celle-ci ait lieu, il a pour objectif de légiférer à travers des décrets. Nous verrons donc comment vont évoluer les choses d'ici janvier, notamment après les élections. La première chose que la plupart des analystes qui sont penchés sur le sujet ont remarqué, c'était le parallélisme avec Fujimori que je viens d'évoquer, et surtout le besoin pour le peuple péruvien d'avoir une figure forte qui prenne les choses en main. Cependant, non seulement le contexte, mais aussi le cadre dans lequel ça a été fait sont bien différents de ce qui s'était passé dans les années 90, ce qui semble montrer la volonté du peuple de, oui, voir une figure forte qui prend les choses en main, mais aussi de les guider dans un autre sens. Oui, effectivement, c'est une situation extrêmement compliquée au Pérou. Ça rappelle la situation dont tu nous avais parlé il y a quelques mois sur le Venezuela. Bien que deux pays et deux situations très différentes, pour l'instant, ça reste une zone assez compliquée. Donc on y reviendra après les élections, comme tu le disais Carolina, en espérant pour le Pérou que la situation va se stabiliser. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.